DJ Tox 974 à la prod. ADL, la relève VS, Altesse, Ornette, Doussa. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Et quand on tire dans la rue, ça fait. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Et quand on tire dans la rue, ça fait. Bon, je me présente, petit rebeu rebelle, grandi à la RDM. Je fais du rap, y'en a qui me soutiennent. Ceux qui m'aiment, tant pis, ceux qui me détestent. Pour les jaloux, je laisse les restes. À ceux qui m'aiment, qui m'intéresse. On me dit, petit, change pas, reste comme tu es. Si j'arrête de représenter, mec, c'est qu'on m'aurait tué. Y'a des profiteurs, profiteuses, allumeurs, allumeuses. Reste calme, fais pas ton crasseux ou ta crasseuse. Entre le bon et le mauvais, je suis au milieu. Parce que personne n'est parfait, mon rap fait parler les muets. Tu veux un beat, pas de blême, blême, bro. Je nique le thème, tempo, même si t'aimes. T'aimes pas, je pars de telle telle chose, je prends de telle telle pause, je mets telle telle dose dès le départ. Pour en bas, le petit vandale, faux vandale, illicite comme la vente d'armes, Ornette à fond sur les dos d'âne. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Et quand on tire dans la rue, ça fait. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fait. Ça fait longtemps que tu m'attendais sur ce son posé sur une balle. Entre le pénal et les tuiles, c'est phénoménal. La rage adolescente, enjeu mon épine et représente. Je vais remonter la pente, on est armé pendant la descente. Yeah, bah ouais, négier c'est calme. Elle est fraîche ta cam, mais elle est fraîche ta mort quand tu calmes. Regarde, maintenant les petits poussent avec des guns. Gars, ça m'est égal, ils disent à la guerre comme à la guerre. Guette, y'a des pavés qui volent au-dessus de ma tête. La volaille est prête, ça va canarder après qu'on pète. Complètement tartare et dans le bloc, t'es en retard, bâtard. J'ai ma caisse, t'as pas passé le code. Oh, malgré l'esquive et les vies qu'on mène. Y'a il faut des thunes, mais t'en dois plein. Yo, qu'est-ce qui t'amène? 93, le domaine suprême. C'est mon baptême, je suis revenu saigner le thème. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Et quand on tire dans la rue, ça fait. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fait. Tu cherches le rap, il est dans ma poche tout au fond. Bouffon, l'underground, je l'accroche au plafond. Parfait, un beat lourd et je le perforce. Parce que les TikTok, un faux free fight, un faux malade, je frappe hyper fort. Intestable, au pire, tiens un peu d'espoir. Tu pourras cacher mon cadavre en l'an 3000 en attendant du calme. C'est pas normal comme un travail à l'acropole. Des vieux rappeurs sortent des skates, toi t'es balèze, flow lourd pour tes épaules. Tu t'épiles, tu te maquilles, tu fais le mec. T'es qu'une attraction, ça rentre dans tes oreilles de Mickey. C'est quoi ce comportement? Pourquoi tu fais le caïman? Fais pas le team, je te fais tailler tes. Et puis pas mes potes opé. Plus que ça, t'es qu'à Maccabée. C'est doudou ça, c'est doudou ça. C'est largement. On a Ornette, on a Altesse, on a du style. On a du shit, on a des thunes, on est hostile. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Et quand on tire dans la rue, ça fait. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fait. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fait. Quand on passe dans la rue, ça fout la merde. Quand on marche dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fout la merde. Quand on tire dans la rue, ça fait.